73e nuit. Je fus bien étonné de ne plus voir le vaisseau à l'ancre. Je me levai, je regardai de toutes parts, et je ne vis pas un des marchands qui était descendu dans l'île avec moi. J'aperçus seulement le navire à la voile, mais si éloigné que je le perdis de vue peu de temps après. Je vous laisse imaginer les réflexions que je fis dans un état si triste. Je pensais mourir de douleur. Je poussais des cris épouvantables, je me frappais la tête et me jetais par terre, où je demeurais longtemps, abîmé dans une confusion mortelle de pensées, toutes plus affligeantes les unes que les autres. Je me reprochais 100 fois de ne m'être pas contenté de mon premier voyage, que devait m'avoir fait perdre pour jamais l'envie d'en faire d'autres. Mais tous mes regrets étaient inutiles, et mon repentir hors de saison. À la fin, je me résignai à la volonté de Dieu, et, sans savoir ce que je deviendrais, je montai au haut d'un grand arbre, d'où je regardai de tous côtés pour voir si je ne découvrirais rien qui peut me donner quelque espérance. En jetant les yeux sur la mer, je ne vis que de l'eau et du ciel. Mais, ayant aperçu du côté de la terre quelque chose de blanc, je descendis de l'arbre, et avec ce qui me restait de vivre, je marchais vers cette blancheur qui était si éloignée que je ne pouvais pas bien distinguer ce que c'était. Lorsque j'en fus à une distance raisonnable, je remarquai que c'était une boule blanche, d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuses. Dès que j'en fus près, je la touchai et la trouvai fort douce. Je tournai alentour pour voir s'il n'y avait point d'ouverture. Je n'en pus découvrir aucune. Et il me parut qu'il était impossible de monter dessus, tant elle était unie. Elle pouvait avoir 50 pas en rondeur. Le soleil alors était près de se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il eût été couvert d'un nuage épais. Mais je fus si étonné de cette obscurité, que je le fus bien davantage, quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaire, qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souviens d'un oiseau appelé Roc, dont j'avais souvent ouï parler aux matelots, et je conçus que la grosse boule que j'avais tant admirée devait être un œuf de cet oiseau. En effet, il s'abattit et se posa dessus comme pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de l'oiseau. Et ce pied était aussi gros qu'un gros tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement, avec la toile dont mon turban était environné, dans l'espérance que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol le lendemain, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit en cet état, d'abord qu'il fut jour, l'oiseau s'envola, et m'enleva si haut que je ne voyais plus la terre. Puis il descendit, tout à coup, avec tant de rapidité que je ne me sentais pas. Lorsque le roc fut posé et que je me vis à terre, je dépliai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna du bec sur un serpent d'une longueur inouïe. Il le prit et s'envola aussitôt. Le lieu où il me laissa était une vallée très profonde, environnée de toutes parts de montagnes si hautes qu'elles se perdaient dans la nue et tellement escarpées qu'il n'y avait aucun chemin par où l'on pût y monter. Ce fut un nouvel embarras pour moi, et comparant cet endroit à l'île déserte que je venais de quitter, je trouvais que je n'avais rien gagné au change. En marchant par cette vallée, je remarquai qu'elle était parsemée de diamants, dont il y en avait d'une grosseur surprenante. Je pris beaucoup de plaisir à les regarder. Mais j'aperçus bientôt de loin des objets qui diminuèrent fort ce plaisir et que je ne pus voir sans effroi. C'était un grand nombre de serpents, si gros et si longs qu'il n'y en avait pas un qui n'eût englouti un éléphant. Ils se retiraient pendant le jour dans leurs antres, où ils se cachaient à cause du roc, leur ennemi, et ils n'en sortaient que la nuit. Je passai la journée à me promener dans la vallée et à me reposer, de temps en temps, dans les endroits les plus commodes. Cependant, le soleil se coucha, et à l'entrée de la nuit, je me retirai dans une grotte, où je jugeais que je serais en sûreté. J'embouchai l'entrée, qui était basse et étroite, avec une pierre assez grosse pour me garantir des serpents, mais qui n'était pas assez juste pour empêcher qu'il n'y entrât un peu de lumière. Je soupai d'une partie de mes provisions au bruit des serpents qui commençaient à paraître. Leurs affreux sifflements me causèrent une frayeur extrême et ne me permirent pas, comme vous pouvez penser, de passer la nuit fort tranquille. Le jour étant venu, les serpents se retirèrent. Alors je sortis de ma grotte en tremblant et je puis dire que je marchais longtemps sur des diamants sans en avoir la moindre envie. À la fin, je m'assis et malgré l'inquiétude dont j'étais agité, comme je n'avais pas fermé l'œil de toute la nuit, je m'endormis après avoir fait encore un repas de mes provisions. Mais j'étais à peine assoupi que quelque chose qui tomba près de moi avec grand bruit me réveilla. C'était une grosse pièce de viande fraîche. Dans le moment, j'en vis rouler plusieurs autres du haut des rochers en différents endroits. J'avais toujours tenu pour un compte fait à plaisir ce que j'avais ouï dire plusieurs fois à des matelots et à d'autres personnes, touchant la vallée des diamants et l'adresse dont se servaient quelques marchands pour en tirer ces pierres précieuses. Je connus bien qu'il m'avait dit la vérité. En effet, ces marchands se rendent auprès de cette vallée dans le temps que les aigles ont des petits. Ils découpent de la viande et la jettent par grosses pièces dans la vallée. Les diamants sur la pointe desquels ils tombent s'y attachent. Les aigles, qui sont en ce pays plus forts qu'ailleurs, vont fondre sur ces pièces de viande et les emportent dans leur nid au haut des rochers pour servir de pâture à leurs aiglons. Alors les marchands, courant au nid, obligent par leurs cris les aigles à s'éloigner et prennent les diamants qu'ils trouvent attachés aux pièces de viande. Ils se servent de cette ruse parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de tirer les diamants de cette vallée qui est un précipice dans lequel on ne saurait descendre. J'avais cru jusque-là qu'il ne me serait pas possible de sortir de cet abîme que je regardais comme mon tombeau. Mais je changeais de sentiment, et ce que je venais de voir me donna lieu d'imaginer le moyen de conserver ma vie.